Nous on vient chez toi, s'il y a du roro. On vient de la tête, donc ça charbonne le roro. La vie de ma mère, nous on kiffe trop le roro. On enlève des bisous pour le roro. Ah le roro. Est-ce que t'as conscience? En manque d'attention, on fait monter la tension. En pleine ascension, vos rappeurs sont sous pression. Je précise à présent ma première page de la presse. Je regarde mon bidon, moi le rap m'engraisse. Je regarde ton bidon, toi le rap t'agresse. Ça sent la heste en faillite comme la graisse. Je parle pas ton flow démodé comme les tresses. Je m'en bats les couilles, je fais confiance comme maman. Et le roro, puis le reste, je connais pas. Je m'en bats les couilles, je fais confiance. Chez toi, s'il y a du roro, on vient de la tête, donc ça charbonne le roro. La vie de ma mère, nous on quitte trop le roro. On enlève des bisous pour le roro. Ah le roro, ah le roro, ah le roro, ah le roro. On fait du sale, connaissez pas les quiproquos. On encule la broque et celui couvre la boca. On sortait pas du coco, on avait la grinta. La coque, on l'a donné même au coco. On a tout mis grave, t'as même pas idée. C'est de ma génération, Pablo m'aurait validé. Y'avait de la moutarde sur mon test salivaire. Dans un café sans courant, j'ai vu des mecs s'allumer. Je m'en bats les couilles, je fais confiance comme maman. Et le roro, puis le reste, je connais pas. Je m'en bats les couilles, je fais confiance comme maman. Et le roro, puis le reste, je connais pas. Nous, on vient chez toi, s'il y a du roro. On vient de la tête, donc ça charbonne le roro. Ouais c'est bon. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est.